إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Donc après l'introduction et la première partie donc du sujet qu'on a commencé à aborder ensemble birahmatillah azza wa jalla qui s'intitule donc les règles et les principes du takfir. Inch'Allah, on rentre dans le second chapitre. Et Inch'Allah, je tâcherai de toujours vous mettre les arguments et l'exposé par écrit, Inch'Allah ta'ala, qui accompagne l'audio que vous pouvez écouter un peu partout. Yani pour ceux qui trouvent un peu compliqué la lecture. Donc la seconde partie, Inch'Allah, qu'on va aborder, c'est la place du takfir dans la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, et dans la sira, l'histoire. Donc le takfir de ceux qui adorent un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est connu, que connaissent les musulmans, et qui était connu déjà avant même la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le cas de Zayd ibn Amr, rahimahullah, comme il nous rapporte Ibn Hajar al-Asqalani dans un récit. Donc il dit, rahimahullah, et Muhammad ibn Sa'd al-Fakihi rapporte du hadith de Amr ibn Rabi'a, l'allée de Beni Adi ibn Ka'b, qui dit que Zayd ibn Amr m'avait dit: je me suis opposé à mon peuple et j'ai suivi la religion d'Ibrahim et d'Ismaïl et celui qu'ils adoraient. Qala li Zayd ibn Amr: inni khalaftu qawmi wa atba'tu millata Ibrahim wa Ismaïl wa ma kana ya'budan wa kana yusalliyan ila hadhihi al-qibla. Donc il dit, et il se dirigeait vers cette qibla, pour cette direction pour prier. Et j'attends que vienne le prophète des fils d'Ismaïl, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne me vois pas les rencontrer, mais je crois en lui. Je ne vois pas le rencontrer, mais je crois en lui. Et je lui donne foi et je témoigne qu'il est un prophète. Donc il est en train, c'est-à-dire que la personne, elle n'a pas encore rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il l'attend. Il attendait, il savait que parmi les Arabes, les descendants d'Ismaïl, il allait avoir quelqu'un qui allait dire qu'il était prophète. Il dit, mais je ne pense pas que je vais le rencontrer, mais je crois en lui. Et je lui donne foi et je témoigne qu'il est un prophète. Il continue, je cite, et si ta vie dure jusqu'à là, transmets-lui donc mon salut de ma part. Puis Amr dit, et lorsque je me convertis, j'en informa le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui appris ce qu'il m'avait dit. Falamma aslamtu alamtu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi khabarihi qala faradda alayhi salam wa tarahhama alayhi qala ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا. Donc il dit, alors le prophète sallam il répondit à son salut et il invoqua la miséricorde d'Allah pour lui, puis il dit, je l'ai certes vu au paradis. Puis il rapporte encore, et Saad ibn Zayd dit, nous avons demandé, moi et Omar, au messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, au sujet de Zayd. فقال غفر الله له ورحمه فإن مات على دين إبراهيم. Donc il dit, le prophète lui a dit, qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde, car il est certes mort sur la religion d'Ibrahim. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son recueil, dans son sahih, il rapporte d'après Asma bint Abu Bakr, radiallahu anha, radiallahu anhum, qu'elle a dit, j'ai vu Zayd ibn Amr ibn Nufayl debout, dos à la Kaaba, dire, donc qu'est-ce qu'il a dit, cette personne-là, Yaqul, ya ma'ashara Quraysh, wallahi ma minkum ala din Ibrahim ghayri. Il a dit par Allah, il a dit, ô habitants de Quraysh, ô communauté de Quraysh, par Allah, nul d'entre vous n'est sur la religion d'Ibrahim à part moi. Donc ce hadith-là, il nous prouve encore que Zayd ibn Amr, il pratiquait le takfir du peuple de Quraysh. Et il ne les considérait pas comme appartenant à la milla d'Ibrahim a.s. Et le prophète a.s., il considéra que ceci, le fait de faire ça, était la religion d'Ibrahim a.s. Ibn Kathir, il dit, Younous a dit d'après Ibn Ishaq, certes, Abu Bakr rencontra le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, est-ce vrai ce que disent Quraysh à ton sujet et à Muhammad, que tu délaisses nos divinités et que tu trouves nos esprits stupides? وتكفرك آباءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى إني رسول الله ونبيه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, donc il a dit, Abu Bakr, pardon, je répète, il a dit, est-ce vrai que ce qu'ils disent, que tu délaisses nos divinités, que tu trouves nos esprits stupides et que tu traites nos ancêtres de mécréants, que tu fais le takfir de nos ancêtres? Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, oui, c'est vrai. Je suis le messager d'Allah et son prophète. Il m'a envoyé afin que je transmette son message et que je t'appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en vérité. Par Allah, ce n'est que la vérité. Je t'appelle, ô Abu Bakr, à adorer Allah uniquement sans aucun associé et que tu n'adores nul autre que lui et que tu fasses allégeance à lui obéir. Ensuite, il a récité le Coran et Abu Bakr écouta sans rien rejeter et il se soumit alors et il a mécru à toutes les idoles. Et il se détacha des fausses divinités et accepta la vérité de l'islam. Abu Bakr s'en retourna alors croyant et admettant la vérité. Donc Ibn Kathir rapporte ce hadith-là, Ibn Kathir dans Al-Bidayah wa Nihaya, également rapporté par Al-Bayhaqi dans Dalail al-Nubuwa et d'autres. Donc subhanallah. Regarde comment Abu Bakr, il fut le premier homme à se convertir à l'islam. Et pourtant, le prophète, alayhi salatu wasalam, il était déjà célèbre pour faire le takfir de son peuple et des ancêtres de Quraysh avant même que Abu Bakr, radiallahu anhu, il se convertisse à l'islam. Et là, écoutez bien cette parole que je vais citer de Mohammed ibn Abdul Wahhab, parce qu'elle est significative. Elle est forte et lourde en sens et lourde comme argument dans ce sujet-là. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayhi, il a mentionné une histoire dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il dit? قال ما وقع في زمن الصحابة أيضا وهي قصة المختار ابن أبي عبيد الثقفي. Ok, il dit donc ce qui arriva donc à l'époque des compagnons aussi, c'est l'histoire de Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi, qui était un homme parmi les disciples des Sahaba, qui était lié par le mariage à Abdallah ibn Amr radiallahu anhu, lui et son père. C'est-à-dire que Abdallah ibn Omar, c'est le fils de Omar ibn Khattab. Et c'était un homme manifestant une certaine piété. Donc il dit un homme qui était lié par le mariage à Abdallah ibn Ubayy et qui avait là une certaine piété. Il a apparu en Irak et il réclama le sang de l'assassin de l'Hussein et de sa famille. Donc l'Hussein qui était assassiné, l'Hussein c'était le petit-fils du prophète Mohammed alayhi sallam. Donc Ibn Ziyad fut tué. Et donc, des victimes d'Ibn Ziyad le rejoignirent car il réclamait le sang de l'assassin de l'Hussein. Il domina, donc cette personne-là, il domina l'Irak et il manifesta les lois de l'islam. Ça veut dire qu'il appliquait Sharia d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cette personne-là. Il est lié à Abdullah ibn Amr. Il applique les lois de l'islam. Il est connu pour ça, pour avoir de la piété. Et il réclame le sang de l'Hussein. Il continue, il dit, et il établit des juges religieux. Qui juge avec la loi d'Allah. Des imams parmi les disciples d'Ibn Mas'ud, c'est-à-dire un autre compagnon qui est très célèbre pour avoir apporté les hadiths, etc., etc., pour avoir fondé la première école de Akufa, qu'on a parmi les écoles juridiques. Il a pris parmi des élèves d'Ibn Mas'ud des gens pour être juges et imams. Et c'était lui qui présidait la prière du Jumu'ah et la prière en commun. Mais, il dit, mais à la fin, il finit par prétendre recevoir la révélation. C'est-à-dire, cette personne, elle a prétendu après qu'il avait el wahi. Alors, Abdallah ibn Zubayr envoya une armée contre lui. Il fut défait par cette armée-là et ils le tuèrent. Ça, c'est son cas. Maintenant, écoutez bien. Le chef de cette armée était Mus'ab ibn Umayr. Et il y avait sous son autorité la femme dont le père était un des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Ça veut dire que sous l'autorité de cette personne-là, il y avait une femme, elle était la fille donc d'un sahaba de Rasulullah alayhi salatu wasalam. Mus'ab l'appela donc à attester de la mécréance de Mukhtar. Mais elle refusa. Écoutez bien, ya ikhwan, ce tarout là qu'on a tué, qui prétendait avoir le wahi, Mus'ab a appelé une femme qui était sous son autorité et il lui a dit de le désavouer, de dire que cette personne-là, c'est un kafir. Et donc elle a refusé de faire le takfir de cette personne-là. Fada'aha Mus'ab ila takfirihi fa abat. فكتب إلى أخيه عبد الله إلى أخيه عبد الله يستفتيه فيها فكتب إليه إن لم تبرأ منه فاقتلها فامتعت فقتلها مصعب وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار مع إقامة شعائر الإسلام لما جنى على النبوة. Après il dit subhanallah, le cheikh Mohammed il dit subhanallah, Hajib. Donc lorsqu'ils l'ont appelé à faire son takfir et qu'elle a refusé, qu'est-ce qu'il a fait Mus'ab? Il a écrit donc une lettre à son frère Abdallah pour demandait qu'est-ce qu'il devait faire, quel était son avis. Et Abdullah lui a dit que si cette femme-là, elle refuse de se désavouer, alors qu'il l'exécute elle aussi. Si elle refuse de faire le takfir de cette personne-là, de Mukhtar, qui avait prétendu à la révélation, alors de la tuer. Elle refusa. Alors Mus'ab l'exécuta. Et absolument tous les savants furent unanimes sur la mécréance de Mukhtar, malgré qu'il appliquait les rites de l'islam. Il pratiquait les rites islamiques. Et on a dit qu'il appliquait Sharia. Il avait établi des juges. Il dirigeait les Jumu'ah. Il était connu pour avoir une piété. Et lorsqu'il a fait une chose qui le fait sortir de l'islam, alors tout ça ne lui servait plus à rien. Pourquoi? Parce qu'il avait prétendu à la prophétie. Donc, subhanallah, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab continue et dit: وإذا كان الصحابة قتلوا امرأة التي هي من بنات الصحابة لما امتعت من تكفير، فكيف بمن لم يكفر البدو مع إقراره بحالهم؟ سبحان الله. فكيف بمن زعم أنهم هم أهل الإسلام، ومن دعاهم إلى الإسلام هو الكافر؟ يا ربنا نسألك العفو والعافية. Donc le cheikh il dit et si on sait que les Sahaba ils ont tué cette femme qui était une fille d'un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, à cause du fait qu'elle a refusé d'attester de la mécréance de Mukhtar, alors que dire de celui qui témoigne et qui ne témoigne pas de la mécréance des Bédouins, tout en avouant l'état dans lequel ils sont arrivés. Subhanallah. Il dit, subhanallah, les bédouins, ils adorent les tombes, ils adorent ils sacrifient pour le djinn, etc., etc. Les gens, ils reconnaissent ça, mais ils font pas leur takfir. Il dit, qu'est-ce qu'il en est de ces gens-là? Est-ce que c'est pas pire? Alors, que dire, nous, à notre époque? Des gens qui font démocratie, ils participent à la démocratie, ils votent, ils portent plainte, ils se marient avec la mairie, ils font tout. Tous ces rites-là. Et ces gens-là, certains veulent nous faire croire que non, mais on n'a pas, c'est pas être prioritaire de se désavouer de ces gens-là qui font ça. Et on doit les considérer comme étant musulmans, etc., etc. On doit leur faire d'abord Iqamat al-Hujja, etc., etc. Et on verra par la suite, Inch'Allah, tout ça, on va l'éclaircir bien. Mais donc ici, le shiri s'étonne. Il finit en disant, que dire alors de celui qui prétend qu'ils sont des adeptes de l'islam, des gens adeptes de l'islam, et que celui qui les appelle à l'islam est un mécréant? Subhanallah. Il dit, ô Seigneur, nous t'implorons d'avoir pitié de nous. Ya Rabbana, nas'aluka al-afwa wal-afiya. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى أعلم.